Bonsoir, chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue à l'Aérospatiale. C'est votre magazine radiophonique consacré entièrement à l'univers des arts visuels à Québec. J'entends la France pour l'animation cette semaine et je vais être accompagnée aussi pour une partie de l'animation avec Myriam Leland qui est dans son training en bon chinois parce que elle va me remplacer la semaine prochaine. J'ai un engagement. On a une très, très belle émission à venir. D'abord, il y a Marie-Claude Relais qui revient en force et qui va, qui est déjà en studio avec son invité. Marie-Claude Relais qui a décidé de nous présenter Fanny Hénon-Lévy, qu'on connaît déjà à l'aérospatiale parce qu'elle a été chroniqueuse pendant quoi, combien d'années, Fanny? Environ 5 ans. C'est toujours un plaisir d'entendre ta voix à la radio comme en vrai. Donc Fanny présente à partir de la semaine prochaine une exposition à Pêche Sherpa et dans une vitrine de l'école d'art et une exposition qui s'intitule Figures sans visage et on va avoir l'occasion d'en savoir un peu plus dans quelques instants avec Marie-Claude Relais et sa très grande curiosité et sa belle rigueur. Et ensuite, Myriam Leland vient nous rejoindre. Elle revient de la galerie A où elle a assisté donc au montage, si on veut, de l'exposition Sous le soleil de Julie Picard. Julie Picard qui est une artiste là, donc qui a déjà une bonne un bon parcours ici dans la ville de Québec, qui travaille le papier de manière sculpturale. Et j'ai bien hâte d'entendre Myriam Leland en parler parce que moi je l'ai pas encore vu l'exposition. Le vernissage, c'est jeudi prochain. Et en toute fin d'émission, j'ai rencontré Mathieu Fecteau en fin de semaine Mathieu Fecteau travaille tous les mercredis. Quand je l'ai invité à l'émission, il m'a dit « je peux pas ». Donc, on a enregistré cette entrevue et vous allez entendre ma fin de laryngite, qui est quand même assez impressionnante. Beaucoup moins impressionnante que mon début de laryngite où j'avais aucun timbre. Mais Mathieu Fecteau va nous parler d'un très beau projet qui s'appelle Tricot Mobile, qui est un projet de tricycles qui tricotent et qui se déplacent, qui est présenté en collaboration donc avec la Maison des métiers d'art et Materia. Mais pour l'instant, on va se laisser avec une petite pause musicale et au retour, je cède la parole à Marie-Claude et Fanny. Look at these trees. Look at this grass. Look at those clouds. Look at them now. And look at them now. Look at them now. Take a closer look. Study the raindrops on the leaves. Study the ants on the ground. Study the ground. The brown, porous topsoil. Its softness. The mushrooms. And the strange blue flowers that grow near them. Study this and ask yourself, where is God? Back and forth and round and up, avoiding the loops of the mind. This place doesn't know. Look at me. This place doesn't care about the Holy Scriptures or how to pronounce and live by the ecclesiastical. This is a no man's land. This is a no God's land. Alors, c'était un extrait de Lions de Jenny Rval, que j'ai de la difficulté à prononcer, c'est H-V-A-L, mais c'est une artiste que j'aime beaucoup. Simon nous a oublié cette semaine, donc c'est moi qui ai fait la sélection musicale. Bonsoir Marie-Claude Drolet. Bonsoir. Bonsoir Fanny Hénon-Lévy. Allô. Bienvenue à l'aérospatiale. Merci. Alors Marie-Claude, tu as choisi de parler avec Fanny de son projet de dessin, d'action, de rencontre. Qu'elle présente à Pêche Sherpa. Donc, je te laisse te lancer dans la conversation. Oui, donc j'ai une petite présentation pour Fanny. Alors, artiste en arts visuels de Québec et ancienne chroniqueuse de l'aérospatiale, donc je l'ai appris cette semaine. Fanny, tu finalises actuellement ta deuxième année à la maîtrise en arts visuels à l'Université Laval et tu travailles probablement avec beaucoup d'énergie sur le projet Figure sans visage, donc qui est une exposition solo présentée dans le quartier Saint-Roch. Ça débute à partir du 15 novembre prochain, donc il y aura deux lieux différents. Une première partie qui sera présentée à la galerie Pêche Sherpa et une deuxième partie présentée dans l'une des vitrines là, de l'École des arts visuels de Laval. Donc, j'aimerais ça qu'on parle des composantes de ce projet. Donc, ce projet qui a pour titre Figure sans visage. Donc, il y a deux lieux. On peut commencer peut-être par un premier lieu qui est la galerie de Pêche Sherpa. J'avais une volonté de présenter ça dans deux lieux, oui, sous forme de parcours, parce que ma pratique s'est baladée en permanence entre mon atelier dans lequel je travaillais, j'explorais, je dessinais principalement. Un milieu plus intime. Un milieu fermé, un milieu intime, un milieu de l'art. Et la communauté, l'espace public vers lequel j'allais régulièrement. Donc ces va-et-vient là sont au cœur de ma pratique. Et pour à la fois illustrer mais aussi célébrer ce parcours, ce mouvement entre l'intérieur et l'extérieur, j'avais vraiment envie d'avoir une expo dans laquelle on peut vivre ce parcours-là, ce parcours qui est à la fois entre deux lieux, mais qui est aussi présent dans la pratique du dessin, puisque le dessin, ben, c'est parcourir un espace, c'est marquer un espace. Donc, d'une certaine manière, j'invite aussi le regardeur, le public, à marcher le boulevard Charest d'un lieu à un autre, et d'une certaine manière dessiner ce parcours-là. Des traces. C'est ça. Est-ce que entre les deux lieux, donc il y a des correspondances, et certainement c'est issu du même projet, mais est-ce qu'il y a une chronologie pour voir les deux étapes de ce projet-là? Oui, ça peut être l'un avant l'autre. C'est une bonne question. Il n'y a pas de chronologie. Disons que le vernissage en tant que tel, le 15 novembre, a lieu à Pêche Sherpa pour des questions pratiques, parce qu'on est au mois de novembre, et puis faire un vernissage dans la rue sur le boulevard Charest, c'est pas l'idéal. Mais en disant qu'on peut regarder, l'expo peut se regarder, peut se parcourir sans ordre chronologique. On peut parcourir à la fois le vidéo qui est sur le boulevard Charest, donc qu'on voit de l'extérieur. Je tiens à distance le monde avec un vidéo qui se trouve dans une vitrine. Qui roulera en continu. Qui va rouler en continu. Le temps est bien choisi parce qu'à partir de 16h, il fait nuit. Il fait déjà noir. À partir de 16h, il va être visible sur le boulevard Charest. À Pêche Sherpa, on va avoir les différents éléments qui composent Figure sans visage, à savoir les œuvres et les traces, les différentes traces, celles qui ont émergé d'une recherche à l'atelier et les traces qui ont émergé de la participation du public dans les dispositifs que j'invente. On va y revenir. Parce que pour ce projet-là, il y a un rapport, en fait, dans ta pratique et pour ce projet-là, il y a un rapport vraiment important au dessin. Donc, le projet parle de dessin, de gestes, de présence à l'autre. On parle également de rapport à soi-même et d'instant présent. Dans l'espace galerie, on va retrouver un corpus de dessins que tu as réalisé en atelier. Il va y avoir également donc les traces dont on peut peut-être discuter et les dispositifs là, physiques sur place. Exact. Puis il va y avoir, il y aura aussi deux ateliers, ça on va, je pense que je te devance un peu Marie-Claude, excuse-moi, qui vont avoir lieu, on va pouvoir y revenir. Pour répondre à ta question, dessiner, c'est dans ma pratique, c'est un acte micropolitique. Je le revendique en tant que tel, c'est à la fois un acte social, c'est une forme de résistance clairement à l'accélération de nos modes de vie, à nos états de non-présence via les réseaux, via les milliers de choses qu'on a à faire de manière simultanée. Justement, dessiner, c'est être dans un état de présence, c'est faire une chose micro, toute petite, qui sert strictement à rien, qui est totalement contre-productive. On s'entend que dessiner, ça sert à rien. Et en même temps, ça permet de se relier à soi et par le biais de mes dispositifs, de se relier à l'autre. Alors, de façon très furtive, parce que ça dure 3-4 minutes. Oui, c'est ça, c'est des interventions qui sont courtes. C'est court. Les gens peuvent rester là une demi-heure s'ils ont le goût de se dessiner pendant une demi-heure. Je veux dire, il n'y a pas de temps limite. Il n'y a pas de contre-indication non plus, là. Mais on se regarde, on se dessine et on prend ce temps ensemble. Et ça, c'est ce qui est au cœur de ma pratique, au cœur de ma recherche. C'est l'action de dessiner. Mmh. Le dessin pour sa trace, mais surtout le processus. C'est amené aussi par ces dispositifs-là des participants à poser le geste du dessin. Ça s'est produit quelquefois au printemps et cet été, donc dans le cadre d'ateliers. J'ai vu sur les photos que c'était fait à l'extérieur. Peut-être qu'il y a aussi eu des activités à l'intérieur. Donc, les participants sont vraiment amenés à poser un geste de dessin face à quelqu'un d'autre. Donc, est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe? En deux mots, deux personnes sont assises l'une en face de l'autre et sont séparées par une vitre, comme une fenêtre. Donc, ils sont séparés par la fenêtre et ils se regardent. L'un dessine l'autre et l'autre dessine l'un. Donc, on se dessine. On réalise le portrait de l'un et de l'autre en simultané, en même temps, sur une feuille d'acétate. Et à la fin du processus, les acétates sont décollées, elles sont mises ensemble, elles sont rassemblées, elles se superposent. Et de cette manière-là, les dessins, les portraits, finalement, les deux portraits créent un troisième portrait qui est, d'une certaine manière, le portrait de la rencontre. Oui. C'est là une coprésence. Alors, c'est non seulement une coprésence et une co-création, mais c'est aussi deux singularités qui se rencontrent et qui s'entremêlent. C'est le témoin d'une rencontre. C'est le témoin d'une rencontre. Donc c'est quand même assez simple, mais c'est sûr que les participants doivent entrer dans le jeu. Pour répondre à ta question, on a amené ce dispositif-là. En fait, j'avais une première version de ce dispositif en format beaucoup plus imposant qui a été présenté en 2018. Et ça, c'est la deuxième version améliorée qui est composée de 5 petits dispositifs. Donc, il peut y avoir 5 interventions en même temps. Exactement. Donc, il y a 10 personnes en simultané qui peuvent se dessiner deux par deux dans des positions différentes, soit debout, soit assis, soit au sol. Il n'y a pas de règle établie. En fait, c'est le format des dispositifs qui vient conditionner l'action. Mais c'est jamais dit comme ça. Si tu veux, si le dispositif est au sol, j'installe des tapis, les gens se mettent au sol parce qu'ils trouvent ça plus ludique. Ils sont aussi réglables selon la taille, selon qu'on a affaire à des enfants ou à des personnes beaucoup plus grandes. Donc ils sont complètement malléables au public et à la personnalité des participants. j'ai envie de dire physique et l'état d'esprit aussi. Et ces participants-là, comment ils vivent cette expérience-là? Est-ce qu'il y a un rapport au jeu qui s'installe ou plutôt il y a vraiment une inquiétude? Ou je sais que, tu sais, pour être formatrice dans pour différentes type d'atelier, je sais que les gens ont vraiment là, ont peur de ne pas bien faire, sont extrêmement exigeants envers eux-mêmes. Il faut souvent les ramener au fait que c'est même de l'apprentissage, sont là pour eux, puis qu'en fait tout le monde est capable. Donc, mais c'est une bonne question. Tu vois, je l'ai dit tantôt, le processus est très présent dans ma pratique. Puis je le dis aux participants avant même qu'ils prennent le feutre, là, je leur dis, ben, on est dans le processus, amusez-vous, ayez du plaisir. Oui. Il arrivera ce qui arrivera. C'est certain que on est dans des sociétés d'exigence, on veut un résultat, on veut faire du beau, on veut que ça nous ressemble. Or, c'est jamais vraiment ressemblant. On peut être intimidé, mais en même temps, tout est mis en place dans les dispositifs. Tout a été pensé en amont pour que il s'agisse d'un jeu. C'est le jeu du dessin. Jouons ensemble. Je vous invite à jouer au dessin. Et de cette manière-là, ça décomplexifie complètement le rapport au dessin. On est dans le... Et puis finalement, les gens, quand ils se retrouvent l'un en face de l'autre, entrent réellement dans le jeu. Ça arrive pas à tous les coups. C'est comme dans la vie, là. Parfois, la rencontre, on l'échappe, mais parfois, quand elle arrive, c'est très, très beau ce qui peut sortir de ça. Est-ce qu'en général, il y a les gens s'associent avec des gens qui connaissent ou plutôt c'est vraiment des inconnus qui se placent l'un en face de l'autre? Est-ce qu'il y a des tendances? Ben, spontanément, c'est sûr que si tu es accompagné, tu as envie de le faire avec la personne qui t'accompagne, mais il m'est arrivé d'avoir des participants qui étaient seuls. Une fois, il y a une jeune femme qui me dit, ah ben moi je peux pas le faire, je suis toute seule. Je lui dis, ben on le fait ensemble. Alors on s'est mis ensemble, puis elle était ravie de faire l'expérience. Parfois je jumelais deux personnes qui se connaissaient pas avec, c'est intimidant, même quelqu'un que tu connais. J'ai eu une mère et une fille là, qui la mère m'a embrassée à la fin, m'a dit, écoute, j'avais jamais regardé ma fille de cette manière là on dirait que je l'ai redécouvert, j'ai découvert des choses que j'avais jamais vues avant. Alors il y a des bonnes surprises. Parfois, il y a des gens qui sont mécontents du résultat que ça donne, mais en même temps, c'est ça le jeu aussi, là. Tu sais, c'est quand tu joues, tu risques aussi de pas être satisfait. Donc, on va avoir sur place les traces de ces ateliers-là. On va avoir les traces de ces dispositifs-là. On va avoir les dispositifs qui seront là, mais qui seront pas mis en action, qui seront en action lors de deux ateliers, le 18 novembre et le 21 novembre également. J'imagine qu'il va y avoir ça sera sur ma page Facebook ou alors sur Pêche Sherpa. Est-ce qu'il faudra réserver ou ça va se faire en continu sur une plage horaire définie? Pour le 18, c'est ouvert, là. C'est sûr qu'il y a une limite de participants, jusqu'à 20 personnes. Et puis pour le 21, oui, par contre, c'est sur réservation. Et puis il y aura le vidéo et les œuvres également qui ont été réalisées à l'atelier. D'ailleurs, on a... est-ce qu'on a encore du temps? Oui, on a encore un peu de temps. Oui, super, pas de problème. Parce qu'on n'a pas abordé justement ce vidéo-là qui va être présenté dans la vitrine, dans l'une des vitrines de l'École des arts de l'Université Laval. Donc, c'est un vidéo qui te présente, je crois, en train de faire l'action du dessin. Oui, on me voit en ombre chinoise. Ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre. Oui, c'est une personne. C'est anonyme. C'est une ombre qui dessine et c'est une ombre qui efface. Et ce vidéo-là tourne en boucle et au fur et à mesure que le dessin se trace et s'efface, la masse qu'il est en train de dessiner et d'effacer évolue et apparaît puis redisparaît, puis réapparaît, puis disparaît. Donc elle se densifie, ensuite il y a des zones qui disparaissent, et c'est donc un vidéo qui est en continu. C'est en continu, ça parle de l'action même de dessiner, mm-hmm. On parlait du processus tantôt, c'est un vidéo qui parle du processus, mais qui parle d'un processus de vie aussi, mm-hmm. Hein, de quelle manière... D'apparition, de la disparition. C'est ça, et de quelle manière on apparaît par nos actions, par notre présence, et de quelle manière aussi on peut disparaître dans la masse. On est dans la pure phénoménologie. On est vraiment dans la phénoménologie, tout à fait. Appliquée. Ben, appliquée, poétique, mais ouais. En même temps très simple. C'est pas, il y a rien de d'incompréhensible. Il y a rien de compliqué non ouais. plus là-dedans. Ouais. Tu sais, mm-hmm. Je marche dans la neige, je fais des traces. Je suis émerveillée de voir les traces qui apparaissent parce que parce que je viens de marcher dedans. Puis il y a quelque chose de ça aussi qui parle de l'émerveillement de l'enfance, de se voir apparaître. Mais, et plus largement de questions sociales, de préoccupations sociales. Ouais. Mm. Alors, c'est un rendez-vous? Mais oui, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous, oui. Le 15 novembre. Absolument, ça va être en formule 5 à 7, donc à la galerie de Pêche-Sherpa. Ben, merci beaucoup, Marie-Claude Drelet, d'avoir invité Fanny et moi aujourd'hui à parler de ce beau projet là, qui va être présenté prochainement. C'était une très, très belle conversation. Moi, j'étais une auditrice comblée. et sur ça, on va prendre une courte pause musicale. Et au retour, c'est Myriam Leland qui nous revient de la Galerie A. Beautiful clock, the ocean.

Mais c'est vrai qu'on y va un peu plus à plat. Puis, comme je te mentionnais justement, hors d'onde, la galerie A, pour ceux qui le savent ou qui le savent pas, c'est plutôt petit. C'était en fait un atelier pour artistes, comme la majorité des espaces dans cette bâtisse-là. Sur la rue de la Barricade. Exactement. C'est au troisième étage. Donc, le panorama que nous offrent les fenêtres, ce sont d'autres buildings. On est un peu isolé. On se sent presque dans un endroit secret. C'est vraiment propice à l'intimité. Mm-hmm. Donc, Julie, j'ai eu la chance justement de rencontrer Julie cet après-midi avec Anne, qui est directrice de la galerie. Elle m'expliquait ça, que ce projet-là, oui, c'est des œuvres sur lesquelles Julie travaillait déjà, avait déjà travaillé, mais la sélection s'est vraiment faite naturellement avec cet espace-là qui est un peu plus intime, plus petit. Puis Julie voulait vraiment, ben Julie et Anne, parce que je crois qu'elles ont vraiment, de ce que j'ai compris, elles ont vraiment travaillé ensemble pour monter mm-hmm. cette exposition-là. Elles voulaient vraiment avoir, elles voulaient vraiment pousser le visiteur, en fait, à s'approcher puis à créer un lien entre l'œuvre et le regardeur. Donc, il y a une volonté d'une certaine intimité, oui. entre les spectateurs et les œuvres. Exactement, oui. Ben, tu sembles connaître le travail de Julie. Oui, un peu, oui. Ben, ça fait quand même 20 ans qu'elle crée, qu'elle a un parcours artistique. Puis, son matériau de prédilection, c'est le papier journal, comme oui, tu sais. Oui, ben, c'est intéressant. On est dans la réutilisation de matériaux qui ont déjà eu une vie, là. Exactement. Elle choisit ce matériau-là pour plusieurs raisons, entre autres, comme tu le dis, mm-hmm. À cause de cette trace-là qui est gardée du quotidien humain. Ben, c'est un matériau qui est hyper facile à trouver. La plupart des journaux sont de grand format, donc c'est facile justement de faire des pliages pour des pièces de plus grand format. C'est recyclé, donc il y a un certain propos environnementaliste. Ben, je dis certain, mais c'est pas du tout caché. C'est vraiment un propos... C'est affirmé. C'est mm-hmm. ça. C'est tout à fait affirmé. C'est un matériau qui est éphémère aussi. Ça se conserve très mal. Dans le cas de l'expo présentement, on a cette notion-là de conservation qui est un peu paradoxale, parce que le papier journal, bon, c'est complètement aux antipodes de ce qui est précieux. Oui, ça se trouve facilement, ça se conserve pas bien. Puis là, on conserve ces œuvres-là. Ben, en fait, c'est que ça fait partie des œuvres, là. C'est pas un mécanisme de conservation. Dans des boîtes d'entomologie. Donc, okay. Dans lesquelles on garderait des insectes précieusement avec des petites épingles. Donc, il y a un élément paradoxal qui s'installe, là. Oui, c'est mm-hmm, ça. Mm-hmm. Donc, il y a vraiment, de rendre ce matériau-là précieux à cause de tout cet aspect-là de traces du quotidien. Puis, ben, de traces de la vie humaine telle qu'on la connaît, en fait. Donc, c'est très intriguant de cette espèce de croisement avec l'entomologie, oui. quelque part. Puis, il y a quelque chose du cabinet de curiosité aussi dans cette mise sous vitrine. Exactement. Puis, c'est vraiment quelque chose qui est voulu. On a justement c'est des séries, en fait. Ce mm-hmm. sont des séries. Il y a trois majeures séries dans l'exposition. Donc, il y a la série des changements climatiques qui est... Je pense que je peux affirmer que c'est ma préférée. On a la série Nuages et la série Génie également. Donc, les séries Changement climatique et une partie de la série Nuages sont dans des boîtiers d'entomologie. Une autre partie de la série Nuages se trouve au mur épinglé avec ces petites épines-là, justement. Mm-hmm. Puis, la série Génie, c'est dans un contenant Herlaine Meyer. Donc, vraiment de qualité supérieure, mm-hmm. Justement, c'est stérile et tout ça, puis l'œuvre se retrouve dedans. Donc, il y a comme cette volonté-là de vouloir conserver le temps, conserver l'éphémère, justement. Mm-hmm. Puis, les autres sont dans des boîtiers. Donc, il y a vraiment qu'une seule partie de la série Nuages qui est au mur, pas dans un boîtier, mais il y a quand même cet effet-là de vouloir conserver quelque chose qui, normalement, on le met en pile, puis ça sent poussière. Et donc, là, tu parles de trois corpus différents qui sont présentés. C'est quoi les distinctions des différents corpus? Est-ce que les nuages, c'est des découpages qui sont en forme de nuages? Est-ce que c'est ce qui est représenté sur le papier journal? Ben, en fait, Julie travaille beaucoup avec un certain humour, puis mm-hmm. Des références à la culture populaire. C'est très important pour elle, la notion de reconnaissance. Mm-hmm. Rapidement, série nuages, ce sont en fait des retailles de poinçons gros comme comme $1 environ, puis qu'elle va assembler. Ça fait pas nécessairement une forme reconnaissable de nuage, mais ça fait penser peut-être aux nuages de mots qu'on va retrouver en ligne, des choses comme ça. Puis c'est vraiment amusant de voir qu'est-ce qui a été sélectionné. Des fois, on remarque des visages qu'on connaît sur cette retaille-là. Il y a un mot, on voit la date, le nom du quotidien, etc. Puis comme je disais, il y a une partie qui est au mur. Je vous invite vraiment à vous placer sur le coin de ce mur-là, puis de regarder comme une coupe transversale un peu de l'œuvre, parce qu'on voit toutes les têtes d'épingles de couleurs. Ça fait vraiment un beau relief, ça fait presque un paysage, puis étant donné qu'on est de côté puis que le papier est bidimensionnel, on voit presque plus le papier, puis on remarque seulement les épingles. C'est vraiment, vraiment fascinant. Donc, c'est un rendez-vous demain, jeudi à 17h, à la Galleria qui se situe au 17 rue de la Barricade, suite 306. Ben, merci beaucoup, beaucoup, Myriam Leland, pour cette belle chronique. Et on va te retrouver la semaine prochaine à l'animation. Tout à fait, une première. Et on va prendre une courte pause musicale. Et au retour, ça va être notre entrevue préenregistrée avec Mathieu Fecteau à propos de Tricot Mobile. She had this dream about a song. She was certain that it was about a burial, the ritual, beautifully written. Even the grave was filled with every beat went all the way down into little holes in the ground. It had the most moving chord changes. She was certain the lyrics went above burying some ashes, and then having a cigarette, like it was telling her, ashes to ashes. Mathieu Fecteau, bonjour. Salut Jean-Tiane, ça va bien? Oui, ça va bien. Je t'ai invité ici à l'aérospatiale pour parler de ce projet Tricot Mobile, un projet qui mélange l'art du tricycle et l'art du tricot. Oui, absolument. Donc, c'est un projet un peu inusité. Concrètement, ça prend la forme d'un tricycle qui tricote. Oui, et d'abord, j'aimerais ça savoir d'où est venue l'idée de ce projet-là. C'est un projet qui est chapeauté par Materia, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Materia qui m'a approché à l'automne 2018, automne-hiver. Eux voulaient faire un projet de médiation pour dévoiler l'art du tricot là, auprès d'une population variée. Okay. Et leur première chose qu'ils m'ont dit, c'est « Mathieu, on veut que tu fasses une de tes sculptures. » On sait pas une commande. Ben, c'est une commande, mais on veut vraiment que ce soit une sculpture, que tu sois fier de cette sculpture-là et que tu la travailles de ta façon. Évidemment, c'est un projet qui avait différentes contraintes. La première, c'était qu'on voulait un tricycle pour pouvoir se rendre dans différents parcs, différents événements, pour pouvoir faire notre activité de médiation. Donc, voilà, j'ai pris... je suis parti d'un vieux tricycle, un vieux vélo, en fait, un vélo CCM impérial, à peu près 1950. Okay. Je suis parti de ça, puis là, autour de ça, j'ai décidé de le développer en tricycle, premièrement, pour qu'il soit stable, et puis d'y intégrer une machine à tricot. Donc là, j'avais toutes mes contraintes. À partir de ça, j'ai été sur la table à dessin. J'ai essayé de développer un peu, voir de quelle façon ça pourrait se développer. Et puis, je l'ai construit comme une de mes sculptures, là, en patentant plein de morceaux ensemble, jusqu'à temps que ça me donne un tricycle qui tricote. Jusqu'à ce que ça soit fonctionnel. Et là, tu m'expliquais, c'est un tricycle qui permet d'être mobile, qui permet d'avancer et qui permet de tricoter. Donc, de quelle manière tu allies ces deux fonctions-là dans le même objet? Ben en fait, là, j'ai décidé, là, je me suis dit, un tricycle, il faut que ça avance, mais il faudrait aussi que ça puisse prendre la fonction tricot. Donc, concrètement, ce que c'est, là, le tricot mobile, c'est un tricycle qui est traction arrière-gauche, et puis quand on pédale par en avant, il avance, quand on pédale par en arrière, il tricote. Donc, c'est un peu un genre de transformer. Quand on arrive sur place, il y a quelques leviers. On a un petit guide de l'utilisateur, d'ailleurs, là, qui nous explique comment le transformer. On en reparlera plus tard. C'est un guide qui est bien trippant, là. Ça rajoute un autre niveau au projet. Donc, quand on arrive sur place, on transforme la patente avec les quelques leviers, on enlève les pins, ça se transforme. On prend le siège qui est à la place du siège habituel sur un tricycle, on le met à la place du volant, on s'assoit dans l'autre sens, on pédale par en arrière, et puis ça nous tricote une tuque foulard. Donc, ça ne peut pas faire les deux choses en même temps. Soit ça avance, soit à l'arrêt, ça tricote. Oui, parce que sinon, ça serait dangereux là, quand on roule sur l'autoroute de pouvoir vérifier. Surtout sur l'autoroute. Surtout sur l'autoroute, ça serait assez dangereux de vérifier là, qu'on ne passe pas une maille. Parce que là, tu sais, imagine, tu es sur l'autoroute, tu te fais dépasser par une vanne, puis là, tu es en train avec ton aiguille d'essayer de réparer ton tricot. Ça pourrait être dangereux. Et donc, la machine à tricoter, c'est un tricotin, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils appellent ça des machines à tricoter des bas. C'est une vieille machine aussi qui est super intéressante à regarder. C'est une série, là, je pense qu'il y a 42 aiguilles qui tournent sur elles-mêmes. Donc, la machine est super trippante. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai accouplé ça là, un système de poulies pour qu'elle aille plus vite puis qu'elle puisse tricoter plus rapidement. Et donc, ce qu'on peut produire, c'est des tubes. Ça fait un tube d'à peu près 8 pouces de diamètre, un peu moins, en fait 6 pouces, mais il s'étire. Et puis, donc moi, je referme un des bouts avec une cordelette. Et puis, c'est ce qui nous permet de faire un produit qui a multiples usages. Donc, tout comme la machine qui l'a produit. Tout comme la machine qui l'a produit. Donc, si on tire le petit cordon, ça devient une tuque. Si on le garde étiré, ça nous fait un petit tube là, qui roule sur lui-même. Ça peut servir de cache-oreille, de cache-cou. Et ça fait un très beau tube top pour les chats. On l'a essayé. C'est vraiment super beau. Un accessoire mode. Là, alors, avis aux propriétaires et amoureux des chats. Oui, absolument. À ton laveur aussi, pourquoi pas. Alors, si donc le projet est tout nouveau, là, il vient d'être lancé le 17 octobre. Oui. Vous avez fait déjà quelques interventions? Oui, on a fait trois sorties à venir jusqu'à maintenant. Donc là, la première étape, c'était vraiment... C'est un projet qui est un peu ambitieux quand même, parce qu'il y a l'aspect fabrication, après ça, il y a l'aspect sortie. L'aspect fabrication, là, ça, c'est complété. C'est solide. C'est solide, ça fonctionne bien. On a fait nos premiers tests. Présentement, là, je le dis, est dans la vitrine de matériel, les gens peuvent l'avoir, peuvent s'approcher aussi, peuvent demander. C'est dans le petit bureau de matériel là, qui est sur Charest. Et puis, ils peuvent l'essayer, quoique ils ne pourront pas terminer leur ouvrage eux-mêmes. Il y a une mini-formation là, qui a besoin d'être là. Mais voilà. Et puis là, les premières sorties ont été faites. On est allé une fois à la Maison Revivre. La Maison Revivre à Québec, qui est notre principal partenaire, où on va faire des sorties. Donc, à Saint-Sauveur. Oui, dans Saint-Sauveur. Donc, l'émission de la Maison Revivre, c'est pour les hommes... Oui, c'est une espèce de maison... En situation de pauvreté. C'est ça. Qui vivent des difficultés. Il y a toutes sortes d'activités aussi qui se rattachent à ça. Il y a une espèce des infirmiers qui vont sur place aussi. Mmh. Donc, nous, on est là en même temps que ça. Donc, ça permet de distribuer des vêtements à ces gens-là. Ça leur permet aussi de faire un lieu de discussion aussi. Là. Dans la médiation, il y a toujours ça qui revient aussi. Là. C'est vraiment juste de discuter puis d'essayer de développer des étincelles. Mais oui, j'imagine que là, bon, on parle de tricot. Le tricot, c'est quelque chose qui a été très présent dans la culture québécoise, qui l'est, bon, peut-être un peu moins maintenant, mais on a presque tous des grands-mères qui tricotaient. Ouais, donc, ça permet de parler de nos grands-mères, de parler de la transmission de ce savoir-faire-là. Absolument, absolument. Une espèce de savoir-faire aussi, de se rendre compte qu'on est capable de le faire nous-mêmes. Mm-hmm. Je pense que ça peut raviver une certaine fierté des gens là, de savoir qu'ils ont fait un produit eux-mêmes, qu'ils portent eux-mêmes. Donc, je trouve qu'il y a de quoi d'encourageant là-dedans. J'aime ça aussi ce que tu dis, que c'est ça touche, on a nos grands-mères qui tricotaient, mais il y a aussi nos grands-pères qui soudaient, qui patentaient des affaires. Donc, je pense que c'est un projet qui touche vraiment une vaste part de la population. Les gens, soit vont se raccrocher plus au tricot puis dire « Ah, ben voyons, c'est comme ça que ça marche une machine à tricoter. » Ou les petits monsieur aussi là, qui aiment ça patenter dans le garage vont pouvoir dire « Ben voyons donc, t'as-tu soudé ça toi-même? Comment t'as fait profiter ça? C'est bien drôle. » Ben, alors répondons à la question des monsieur, Mathieu Fecteau. Comment t'as fait pour souder ça toi-même? Hey! Tout patenter ça? Tu me disais avant l'entrevue qu'il y a plusieurs vélos là, qui ont été utilisés pour fabriquer Moi, le tricot mobile. J'ai ma petite cour à scrap personnelle où j'ai toutes sortes de matériaux, pièces de moto, pièces de vélo. Donc, c'est presque tout fait à partir de matériaux que j'avais accumulés avec le temps ou qui m'ont été légués. Donc, c'est ça, je suis parti de ces pièces-là. Après, c'est de savoir si les pièces vont être détournées ou utilisées comme telles. Quand elles sont utilisées comme telles, là, ils ont besoin d'avoir une précision vraiment, vraiment bonne. Et puis, ben, c'est ça, moi, j'ai un petit atelier dans la région de Portneuf, à Saint-Léonard de Portneuf. Et puis, ma pratique en sculpture, c'est de patenter des affaires. Ça, c'est des objets mécaniques, une espèce de rapport aussi à l'objet utilitaire, à l'outil. Ça, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. L'évolution des techniques aussi, là, ça me fait bien triper. Moi, c'est d'essayer de trouver la limite entre l'objet utilitaire puis l'objet ludique, esthétique. Et puis, mais quand je fais une sculpture, c'est des choix qui sont pratiques. Il faut que la sculpture fonctionne, mais ça devient esthétique aussi parce que la fonction pratique est finalement... c'est un vélo qui tricote, c'est dans un certain sens moins pratique que d'aller tricoter avec des aiguilles. Oui. Les aiguilles sont un peu plus longs, mais c'est quand même moins compliqué à faire que ça. Donc, moi, j'aime ça jouer un peu dans cette ligne-là. Donc, dans mon atelier, moi, j'ai l'équipement, puis je m'amuse avec différents outils à faire fitter les affaires ensemble pour que ça fonctionne. Donc, au-delà de ce volet très patenteux de ta pratique, Mathieu Fectoux, il y a aussi le volet interactif, on en a parlé un peu. Et j'ai l'impression que ton approche va au-delà de la médiation artistique, il y a quelque chose de l'art relationnel là, dans ta pratique. Oui, je pense que oui. Je pense que oui, ben j'aime ça, mes sculptures. J'aime ça que la limite soit floue. C'est quoi l'œuvre? C'est-tu la personne qui est en train de pédaler? C'est-tu la tuque qui est en train de produire? C'est-tu la machine? C'est-tu moi qui est à côté en train d'expliquer comment ça fonctionne? Donc, j'aime ça que ça devienne comme une espèce de système. L'œuvre, c'est pas un de ces éléments-là. C'est vraiment la symbiose de tout ça. Puis ça, je trouve ça bien, bien le fun. Comme un écosystème entre la machine, l'être humain, les liens sociaux qui se créent autour de ces œuvres-là. Ouais. C'est ça. C'est des systèmes qui s'accumulent par-dessus système. À la fin, ça devient assez complexe comme œuvre. La sculpture comme telle est patentée, mais après ça devient patenté aussi avec la relation avec les gens. Donc, ça, je trouve ça bien trippant. Et donc, on parlait d'une sortie qui avait été faite à la Maison Revivre et vous avez fait une sortie auprès d'enfants, je crois. Oui. J'étais au centre de pédopsychiatrie, là, puis on l'a fait essayer à des jeunes. Ils ont super trippé. Donc, c'est le fun, ça aussi. Eux peuvent se rendre compte qu'ils sont capables de fabriquer des objets finis par eux-mêmes. Ça prend. Avec des jeunes, c'est un peu plus long, là, aussi, le temps de l'expliquer, puis le temps d'ajuster le siège là, à leur hauteur. Mais avec la machine, on peut faire une tuque à peu près en 10 minutes. Donc, c'est pas trop difficile pour la patience des enfants. C'est ça, on peut les aider. Puis après, les enfants, ils aiment ça parce qu'ils peuvent se défouler là, sur le vélo. Là. On peut spinner vite. Les fils s'en mêlent pas dans ce temps-là? Ah, ben là, j'ai encore un petit problème au niveau du dévidoir, là, mais ça devrait être réglé bientôt. Donc, quand on parle de dévidoir, c'est quel élément sur cette machine-là qui est le tricot mobile. Je pourrais te décrire, si tu veux, un peu les différents parce éléments. Que là, sous la main, nous, ce que nous avons, c'est un manuel d'instruction, Mathieu Fectoux? Oui, absolument. Ça vient avec un guide de l'utilisateur tricot mobile. Donc, au verso, il y a le schéma de l'appareil. C'est un peu un genre de guide IKEA qui explique... qui est en fait un petit dépliant en même temps. Donc, ça permet d'avoir les informations sur le centre d'artiste, si on veut des informations. Mais qui a aussi tout le schéma de la sculpture. Les composantes là, sont toutes expliquées. Et leurs fonctions sont... Oui. C'est un genre de dessin technique là, très, très précis. Donc, ça aussi, je trouve que ça donne un autre rapport à l'objet qui devient presque comme un objet... souvent, quand les gens le prennent dans leurs mains, ils disent « Ah, mais c'est parce que t'en vends des machines à tricot. » Mais non, c'est la seule machine à tricot, mais les gens peuvent repartir avec un guide aussi. Là. Donc, ça ajoute encore une couche là, à ce projet. Mais c'est de rendre aussi la compréhension du mécanisme accessible. Ouais. De le rendre explicite comme ça, parce que bon, quand on comprend pas le mécanisme, on le comprend pas, mais si on se le fait expliquer comme ça avec un manuel d'instruction qui nous prend par la main, mais ça permet de le rendre accessible à tous. Absolument. Donc revenons aux différentes composantes du vélo. Donc, le vélo, là, à l'avant, il y a un petit coffre de transport avec des pentures automatiques. Là, ça, encore là, c'est pour être sûr que ça rouvre pas là, quand on roule sur l'autoroute. Donc, un petit baril, un là, petit baril sur le côté. Dans lequel il y a les différents outils. Parce que la machine a besoin d'outils pour fonctionner aussi. On a un petit outil là, pour serrer le siège. On a les aiguilles, évidemment. On a la laine. Donc, pour le transport, là, je peux mettre ça dans mon petit coffre. Ensuite de ça, sur le vélo, il y a un support pour le siège. À l'avant, comme je l'expliquais, le banc se transfère du du siège du banc ordinaire jusqu'à l'avant. Et puis ça, c'est ajustable pour les enfants. Il y a des poignées qui ont été fabriquées en bois aussi, là, toutes tournées. Il y a un petit klaxon de vélo, là, en fait, un dring-dring. OK. Ça, c'est encore... Ben oui, pour la sécurité, c'est important. Pour la sécurité, absolument. À l'arrière. Ensuite, on se déplace vers l'arrière du vélo. On a les deux roues arrière. Il y a seulement une des roues là, qui est à traction. Donc, c'est un vélo traction arrière-gauche, je pense que je l'avais dit tantôt. Oui. Et puis... ensuite de ça, là, on tombe dans le principe mécanique là, du tricotin. Tout ça, c'est sur levier, sur piston. Il y a des pistons là, pneumatiques. Okay. Quand on les tire, ça se rabat vers l'arrière pour avoir l'espace là, pour pouvoir pédaler sans l'avoir sur la tête. Donc là, on a un système... en fait, c'est fait avec un ancien cadre de vélo. ça monte jusqu'en haut. Et puis là, il y a un système de différents leviers. Et puis, on atteint en haut complètement la tête tricoteuse, qui est la machine à tricot. Ça fonctionne avec un système de poulies et un système de chaîne là, qui est relié sur le pédalier du vélo. À l'arrière de ça, on a le dévidoir qui est fabriqué avec une vis en bois puis différents éléments de bois. Et puis là-dessus, on peut mettre toutes nos couleurs de laine qu'on choisit. Et donc là, on peut choisir les couleurs, ouais, les alterner. C'est ça. Donc, quand on arrive sur place, on rabat les différents pistons, on ajuste les différentes pins, ça se rabat là, au-dessus du vélo. Et puis les gens s'installent puis ils peuvent pédaler. Puis nous, ben, c'est ça, on peut, à côté de la machine, là, opérer un peu puis changer les différentes couleurs. C'est vraiment un travail d'ingénieur là ta pratique aussi il y a quelqu'un une fois qui m'avait dit de Léonard de Vinci. Moi j'ai répondu genre de Léonard de Vinci de brousse. Oui, c'est plus de brousse. Oui, peut-être même de brosse. Ouais. mais en fait ce qui est extraordinaire aussi dans tout ça, c'est que c'est presque entièrement des matériaux récupérés là. Oui, à part quelques composantes mécaniques là, des bearings, la machine à tricoter, elle est achetée. Ouais. Je m'en cache pas. C'est tout ça fait fonctionner une machine qui est achetée, mais je trouve encore là que c'est drôle parce que je trouve que c'est drôle. Il y a un petit paradoxe qui est intéressant. Ouais, c'est ça. Je fabrique, mais il y a toujours des limites. Là, oui. Quand on arrive des affaires de bain, mais oui. On se compliquera pas la vie pour rien. Mais tout ça, ça fonctionne à l'énergie humaine. Oui. Donc, c'est un objet autonome qui pourrait fonctionner en cas de coupure d'électricité, comme on a eu dans les derniers jours. Post apocalyptique, sans problème, ça. On va tricoter des trucs. Là, pour toujours. Pour toujours. Il suffit de savoir pédaler. Et puis, oui, dans les contraintes aussi, c'est niaiseux, mais il faut que ça rentre dans une porte, il faut que ça rentre dans un ascenseur, il faut être capable de le monter en haut des marches. Donc, il y a un paquet de contraintes, puis il fallait que les pièces puissent s'enlever justement là, si on a donc, besoin de le rentrer. Toutes les pièces sont amovibles, on peut rassembler ça dans un petit paquet, ouais, ça, transporter ça dans le coffre d'une voiture. Coffre de voiture, une grosse voiture. Ouais. Ouais. Donc là, c'est un projet qui vient de débuter, on le disait déjà. Nous, on prévoit des sorties sur 3 ans. Oui, c'est ça, c'était ma prochaine 30 sorties par année. Okay. Et puis, donc là, on est encore au tout début. Et puis, nous, en fait, on cherche des lieux pour se diffuser. On a la maison Revivre, mais on aimerait aussi aller dans d'autres endroits, dans un public varié aussi, avec des jeunes, avec un public plus de l'art aussi. Là. J'aimerais ouais. ça présenter ça, parce que c'est une sculpture, donc ça serait le fun de le présenter là, dans des événements artistiques. Donc, si les gens sont intéressés, peuvent sur le petit dépliant, là, peuvent prendre les coordonnées, nous contacter, puis nous, on est bien ouverts à faire des sorties. Ben oui, avis aux auditeurs, aux auditrices, peut-être éventuellement bon, des groupes scolaires, d'aller dans des écoles, oui, des centres communautaires, des choses oui, comme absolument. Ça. Et c'est un projet donc, qui est financé par l'Entente de développement culturel intervenu entre la Ville de Québec et le ministère de la Culture. Donc, c'est un projet qui est offert gratuitement sur l'ensemble du territoire de la Ville de Québec. Oui, absolument. Si ça respecte le mandat là, du projet, c'est offert gratuitement. Si ça dépasse le mandat, ben, là, il y a des petits frais pour l'animation, mais c'est pas très cher. Puis, on s'amuse bien. Mais en tout cas, c'est un très, très beau projet, Tricot Mobile. Merci beaucoup, Mathieu Fecteau, de t'être joint à moi pour cette entrevue. Et bonne fin de journée. Hey, merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Salut. Alors, c'était une entrevue avec Mathieu Fecteau et la laryngite de Gentiane Lafrance. Et on termine cette émission avec le traditionnel agenda de la semaine. Mais on sort un peu de la tradition pour cette semaine parce que, Myriam Leland, dis-nous donc, qu'est-ce qui se passe à Québec dans le monde des arts visuels cette semaine? Bien sûr. Donc, jeudi, on rappelle qu'il y a le vernissage de Sous le soleil de Julie Picard à la Galerie A, donc demain 17h. Vendredi, à Regard, on a Au milieu des bureaux empilés de Anouk Vervier et Index de Sarah Chouinard-Poirier, donc à Regard. vendredi. Tourbière d'Isabelle Demers, également vendredi à Critérium. Puis finalement, on a lundi. Ce n'est pas un vernissage, mais l'exposition débute à la galerie de l'Université Laval au pavillon Alphonse Desjardins. Donc, c'est Éclosion de Sandra Giasson-Cloutier. Et c'est la dernière semaine pour voir l'exposition Rose Chrysotile d'Alexandre Dunn que nous avons reçue la semaine dernière, de également Tania Girard-Savoie, Lumière multiple à Michel Guimont, et l'exposition également « D'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous » qui se termine au Musée national des beaux-arts du Québec après un an. Et du côté du lieu, c'est la dernière semaine également pour voir l'exposition d'Orlan. Donc, ça se termine tout cela dimanche. Donc, on se dépêche. J'aimerais terminer l'émission en remerciant nos invités Fanny Hénon-Lévy et Mathieu Fecteau. Merci à nos collaboratrices cette semaine, Marie-Claude Drelais et Myriam Leblanc, à qui je confie l'animation la semaine prochaine. Et un merci à Jacques Gignac, le monnaie de la console. Et c'est maintenant le moment de parler de qu'est-ce qui se passe dans une minute. CKRL. Communication. Culture. Bonsoir, Pierre Blais. Ben oui, ça me fait penser à la chanson, là, tu sais, Bill Idol, Money, Money. Là. Ah, c'est ça qui se passe? Oui, Money, Money, c'est en hommage d'un peintre. C'est une joke poche. Bon. Parlons de situation critique, là. Trêve de blague douteuse. Ben oui, c'est ça. Oui, bon, Antigone. OK. J'ai rencontré Antigone elle-même, c'est-à-dire l'actrice qui joue Antigone dans le film de Sophie de Raspe et la réalisatrice, okay. Et ça prend l'affiche, non pas vendredi cette semaine, mais l'autre. Non, c'est vendredi cette semaine. Oui, c'est le 8, c'est dans deux jours, excusez-moi. Okay. Ben oui. Puis c'est un des bons films québécois de l'année. Et il faut le dire, c'est le film qui représente le Canada à la prochaine cérémonie des Oscars pour le meilleur film étranger. Sera-t-il finaliste? Ça, c'est une autre paire de manches. Mais bref, je vous fais entendre mon entrevue avec la réalisatrice et l'actrice principale d'Antigone ce soir à Situation Critique. Ben, on reste sur les ondes de CKRL parce que c'est très intriguant tout ça. Merci, Pierre Blais. Cette émission est disponible en balado-diffusion. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Cinévoyage présente Inde du Nord, Dr. Sleep, Douleur et Gloire, Joulik, Mais vous êtes fou, Parasite et Une manière de vivre. Et au Clap Loretteville, Dr. Sleep, Douleur et Gloire, Motherless Brooklyn, Terminator Sombre Destin et Western Stars. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Situation critique vous est présentée par le cinéma Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Achetez votre carte Abonne Clap pour profiter d'une année cinématographique exceptionnelle. Consultez leclap.qc.ca. Aujourd'hui à Situation Critique, le 6e épisode du Terminator, toujours avec Arnold Schwarzenegger, mais avec le retour de Linda Hamilton, la réalisatrice Sophie de Raspe pour le film Antigone, le